on va tirer comme Chiro. Hein? Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Je pose la couronne sur la tête de ma mère. Ne parle pas de ces salopes, je les vois vaciller. Pas prévu que cette étoile serait la mienne. Que l'art s'assoit sur le trône de Massilia. En 2002, je suis arrivé à Marseille. Avec à peine l'âge de jouer à Pokémon. 2003, je suis arrivé à Herbel. Sous l'ombre des 14 et le bruit du T-Max. J'ai rodé ma clique dans le ghetto. Un automatique pour Pedro. Si le propriétaire est fébrile, on ira lui voler son pétrole. On part de ma clique dans la presse. Ouais, on part de ma clique dans ta tête. Dans le sup, on encaisse. On est dans le bip, on empeste. La weed et le vécu de tête, mais on garde le mental, oui. Ils me feront pas croire que je suis au-dessus des autres. Je suis comme un autre, oui. Je pense à ma famille, pour elle, je dois empocher les sommes. Et je brille comme un autre, oui. Parlons de bif, dis-moi Franco, de qui tu dépends. Et qui te défend quand ta petite te détend. Dis-moi ce que tu dépenses quand tu sais te détends. Millions en cash, millions en poche, millions en liquide. Maman, avant de finir dans les ténèbres et dans l'oubli. Non, non. Millions en cash, millions en poche, millions en liquide. Maman, avant de finir dans les ténèbres et dans l'oubli. Marseille c'est sous boulard, c'est sous boulard. Marseille c'est sous boulard, c'est sous boulard. Avec rien dans le pif, on va reprendre le rap des Chiro dans Gomorra. Marseille c'est sous boulard, c'est sous boulard. Marseille c'est sous boulard. Le passé nous pourrit. Le soir on est bourré. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer, tirer, tirer, tirer. Marseille c'est sous boula. Marseille c'est sous boula. Marseille c'est sous boula. Millions cash, je veux des millions cash. Moi je suis mignon gars, grignoté. Non c'est pas pour moi, hey, j'ai pris mon temps. Menotté, filon, filoché. Effet ricochet pour pilonner. Je commande un kilo d'herbe sur le CGP. Milliers d'euros, je te fais bander les vendeurs du bando. Yas de marron parfumé bien rangé dans le Kenzo. Violent pile adolescence, on a peur de personne. Passe la nuit dans la R, tout préparé pour la guerre. Ramène une armée à R. Ramène une armée à R. Ramène une armée à R. Ramène une armée à R. Marseille c'est sous boula, c'est sous boula. Marseille c'est sous boula, c'est sous boula. Avec rien dans le pif, on va reprendre le rap des Chiro dans Gomorra. Marseille c'est sous boula, c'est sous boula. Marseille c'est sous boula. Le passé nous pourrit. Le soir on est bourré. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous le go, on va tirer comme Chiro. Donne-nous